Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Pompéi, la vie sous la cendre. Une série de Perrine Kervran réalisée par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a une fascination pour ces villes ensevelies devenues rêves d'archéologues, des nouvelles découvertes scientifiques et l'éruption gigantesque du Vésuve que tout le monde pensait alors n'être qu'une montagne placide et inoffensive. Alors pour commencer, les personnages. Une archéologue des peintures, une autre des constructions, un archéologue des nécropoles, un volcanologue sur le terrain, un surintendant qui imagine et une anthropologue méticuleuse. Ensuite, le décor. Une couche de pierre ponce, une autre de cendres, des séismes, la stupeur, la terreur, des bombes volcaniques, la mer, des nuées ardentes, des morts et des moulages. Aujourd'hui, deuxième épisode, on essaye de s'enfuir. À un moment, ça a cessé. Moi et quelques autres, on a décidé de fuir par l'Est. À un moment, ça a cessé. Nous étions un groupe de 20. Moi et quelques autres, on a décidé de fuir par l'Est. On a fui par le Sud. Nous étions un groupe de 20. Je n'ai pris avec moi qu'une petite clé. Ça a cessé. Je suis parti. Je n'ai pris avec moi qu'une petite clé. J'ai emporté. Je suis parti. Juste une petite clé. L'éruption meurtrière du Vésuve. Juste une petite clé. Une lampe. Moi et quelques autres, on a décidé de fuir par l'Est. La clé de mon coffre. Nous étions un groupe de 20. À un moment, ça a cessé. Moi et quelques autres, on a décidé de fuir par l'Est. Nous étions un groupe de 20. Une petite statuette de la déesse Fortuna. Une poignée de bagues d'or et d'argent. Une poignée de bagues d'or. Une boîte à médicaments. Le petit socle d'une statuette et deux clés dans un grand sac de toile. Nous étions deux femmes et un homme. Mon père, ma mère et ma sœur. On a fui. On se trouve donc ici dans la partie septentrionale de la ville, dans une zone qui n'a pas encore été fouillée. Et on est ici à 6-7 mètres au-dessus du niveau de fréquentation antique. On est donc ici sur tout le dépôt volcanique qui a été déposé lors de l'éruption de 79 après Jésus-Christ. Et donc on a ici 3 mètres environ de pierre ponce, plus 3 mètres d'autres matériaux volcaniques. Claudio Scarpati, vulcanologue. Maintenant nous allons descendre. On est en train de prendre un petit chemin qui est creusé dans le dépôt volcanique. On est entouré de figuiers et là on descend doucement vers la ville et on voit tout près de nous une rue de Pompéi qui émerge du dépôt volcanique. Longtemps, on n'a parlé que de l'éruption d'octobre 79 qui a enseveli Pompéi, Herculanum, Cum et d'autres localités de Campanie. Et puis on a fait le lien avec un événement cité dans les textes anciens. Un très fort tremblement de terre qui aurait eu lieu en 62 ou 63, 17 ans avant l'éruption du Vésuve dont il était en quelque sorte l'annonce. On en trouve même des traces archéologiques sur les bâtiments de la ville et on en trouve aussi un témoignage au musée archéologique de Naples où notre guide ce jour-là était Alix Barbet. C'est étonnant, c'est dans une maison privée. Alors c'est un élément rarissime d'événement qui s'est passé à un moment donné. En bas-relief, sur le larère d'un banquier, Caecilius Jucundus, où on voit les monuments qui s'écroulent au moment du tremblement de terre de 62 après Jésus-Christ. Et alors ça nous intéresse beaucoup, parce que d'abord on voit que des portes sont tombées, le temple de Jupiter lui aussi est tout de guingois, mais on voit aussi des gens qui amènent un taureau pour faire un sacrifice. Donc on vient remercier le dieu d'avoir été épargné. On sait par les textes qu'il y a eu un très gros tremblement de terre qui a touché quasiment l'ensemble de la campagne. Nicolas Montex, archéologue. À côté de ça, les observations archéologiques montrent qu'il n'y a pas eu seulement un tremblement de terre en 62-63, mais que, dans le fond, il y aurait eu une activité sismique continuelle, toute une série de tremblements de terre qui se seraient égrenés entre 62-63 et l'éruption. Donc, il y avait une forte activité sismique. Alors, je pense qu'au moment où arrive l'éruption, c'était une ville en plein chantier de reconstruction. Hélène de Salles, archéologue. Mais ce que l'on peut voir, c'est que certains chantiers étaient inachevés. J'ai pu en observer certains. On a dans certains secteurs des peintures qui étaient encore en cours de réalisation sur des murs qui venaient d'être refaits. C'est ce qu'ont montré aussi les fouilles les plus récentes à Pompéi, avec des artisans qui sont là, des nouveaux maîtres d'œuvre qui contribuent à réédifier cette ville qui avait été endommagée par le tremblement de terre que l'on connaît, qui est celui de 62 ou 63, la datation est discutée. Mais ce que l'on voit aussi dans les données assez nouvelles, c'est qu'il y en a eu un autre très proche de l'éruption. Alors on ne sait pas exactement le dater, enfin, c'est une ou plusieurs secousses, mais quand même assez fortes, qui ont aussi entraîné de nouveaux travaux peu avant l'éruption. Et c'est surtout ça qu'on voit, en fait, peut-être autant que le tremblement de terre de 63, c'est ces travaux sur le long cours, avec des reconstructions assez anciennes, mais des constructions aussi très récentes, imposées par ces secousses sans doute violentes qui ont préfiguré l'éruption du Vésuve. Siamo. S'il vous plaît. Alors, non, restauratrice. Qualcuno parla francese, ragazze, giusto per convenevoli. C'est comme ça, ok, ça va. Ici, nous sommes dans le laboratoire de restauration et nous avons beaucoup de matériel et après, vous pouvez demander qu'est-ce que vous voulez qu'on ait, d'accord? Je vois là devant nous, il y a un lapin qui n'a plus d'oreilles. Et un conigno qui n'a plus d'oreilles. Elisa Pucci. Oui, donc c'est une petite statue qui représente un lapin sans oreilles. Pour l'instant, on a effectué un recollage des parties de la statuette, mais on n'a pas recollé les oreilles puisqu'on attend de voir avec les archéologues comment les recoller exactement. Il est dans quel matériau ce lapin ? Il est en marbre blanc, c'est un lapin en marbre. Un lapin en grandeur nature, on dirait qu'il grignote quelque chose. De l'uva in un cesto. Donc oui, le lapin est en train de manger du raisin. Et voici les oreilles. Donc voilà, elles devraient être à peu près dans cette position-là. À l'intérieur des oreilles, on a trouvé des morceaux de bronze qui indiquent que probablement, déjà dans l'Antiquité, il y avait eu une intervention de restauration. Le lapin avait déjà dû tomber et avoir ses oreilles cassées. Probablement, si. Oui, probablement, on ne sait pas, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que quelqu'un est intervenu avant nous. On peut imaginer simplement que le lapin a été victime d'un effondrement de mur, qu'il a perdu ses oreilles à cette occasion, et donc, après le tremblement de terre, quelqu'un a essayé de réparer les oreilles. William Van Andringa, archéologue. On a quelques traces qui montrent que la ville est en crise en 79. Par exemple, on est ici devant la maison dite des quatre styles. Là aussi, c'est un nom qui a été donné parce que les quatre styles pompéiens, de peinture pompéienne, sont représentés à l'intérieur. Et ce quartier a été étudié en profondeur par une équipe française dirigée par Philippe Borgard, qui a montré notamment que une grande partie des maisons semble désertée en 79. Alors, est-ce qu'une partie de la population, c'est une vieille discussion, a déserté la ville avant l'éruption? Je ne sais pas si on peut poser la question ainsi, mais en tout cas, je pense qu'on a des éléments forts d'une crise urbaine. Et pour revenir à la maison des quatre styles devant laquelle nous sommes, il y a plusieurs choses intéressantes dans cette maison. Donc, je vous ai dit qu'il semblerait qu'elle ne soit pas habitée en 79. On a d'ailleurs un four alimentaire, si je me souviens bien, qui est installé dans l'atrium, ce qui est absurde pour une maison romaine quand même. En fait, il y a un gardien qui a un squat. Il y a quelqu'un qui garde la maison. Ce que j'ai pu observer pour une villa qu'on a étudiée d'assez près, qui est la villa de Diomède, un des plus grands bâtiments privés de Pompéi, 3 700 m², se déploie sur 3 niveaux. Ce que l'on voit, c'est que c'est une villa qui n'a cessé d'être reconstruite et redécorée au fil du temps. Et donc, on a aussi de traces très fortes des impacts sismiques. Donc, la villa, après 62-63, donc, est en grande partie reconstruite et redécorée. Et on a pu identifier aussi l'impact d'un deuxième tremblement de terre, puisqu'on a des réparations sur les réparations, en quelque sorte. Et là aussi, des décors refaits. Donc, la villa, en 79, était en cours de réfection, en fait. Ils achevaient les derniers décors dans la villa. Et donc, visiblement, ce que l'on voit des journaux de fouilles, c'est qu'elle était, en effet, probablement désaffectée. En tout cas, son propriétaire s'était sans doute éloigné pour quelque temps, le temps que ses travaux soient achevés. On a peu de traces d'activité, de cuisine en action. On a des fourneaux qui semblent servir, des ouvriers, des gardiens, des esclaves qui étaient restés. Mais la villa n'était pas habitée telle qu'on peut l'imaginer, parce qu'il faut imaginer vraiment beaucoup de personnes dans cette villa. Certaines salles de réception étaient même utilisées comme espace de stockage. Pour donner une idée, le grand bassin construit face à la mer dans le grand jardin de la villa, il avait été en partie démantelé après les désordres sismiques et les dallages de ce bassin étaient stockés dans une des pièces de réception de la maison. Pompéi, ville fort visitée en Campanie, qu'avoisine d'un côté le cap de Sorrente et Stabie et de l'autre le rivage d'Herculanum, entre lesquels la mer s'est creusée un golfe riant, fut abîmée, nous le savons, par un tremblement de terre dont souffrirent tous les alentours. On ajoute qu'un troupeau de 600 moutons fut asphyxié, que des statues se fendirent et qu'après l'événement, on vit errer des hommes devenus fous et délirants. Étudions les causes de ces phénomènes. Cherchons à rassurer les esprits effrayés et guérissons l'homme d'une immense terreur. Car où verrons-nous quelque sécurité quand la terre même s'ébranle et que ses parties les plus solides s'affaissent? Quand la seule base inébranlable et fixe qui soutient et affermit tout le reste s'agite comme une mer. Quand le sol perd l'avantage qui lui est propre, l'immobilité. Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nos personnes trouveront-elles un refuge? Où fuiront nos pas chancelants? Si la peur naît du sol même, si ses entrailles nous l'envoient. Bien des gens craignent, plus que tout autre, ce genre de trépas qui engloutit l'homme avec sa demeure et qui l'efface vivant encore du nombre des vivants. Et c'est où se manifeste surtout la justice de la nature. Au jour fatal, notre sort à tous est pareil. Est-ce que la ville était un petit peu une ville en crise à ce moment-là? Alors crise, enfin, je pense que tout dépend comment on l'interprète. Je pense qu'elle était surtout en pleine reconstruction. Alors c'est aussi l'impact de grands travaux urbains dans une ville plus ou moins occupée, mais malgré tout, à mon avis, quand même très occupée. Et en tout cas, ces artisans qui contribuaient à la réédifier étaient aussi logés dans la ville. Donc c'était une ville encore assez active et que je ne crois pas du tout désaffectée. Un peu. Bonjour. Bonjour. Vous restez sur le tapis blanc. Oui. Voilà, donc on est dans un enclos funéraire ici. Et on est là depuis 3 semaines. Donc on a fouillé la partie supérieure. On a trouvé 2 tombes qui sont datées de la période immédiatement avant l'éruption. Et ce qui est exceptionnel, c'est que les 2 sépultures n'étaient pas enterrées. Elles étaient hors sol. C'est la première fois qu'on trouve ça. Et on met ça en relation pour l'instant avec la période de crise que connaît la ville, les semaines et les mois qui précèdent l'éruption, avec ces tremblements de terre à répétition. Et on a quelques indices d'une vie urbaine qui périclite complètement. L'idée, c'est de travailler sur la façon dont une crise urbaine, comment elle peut impacter des pratiques quotidiennes et auquel cas ici des pratiques funéraires. hors sol, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même crémation et on a posé les restes. Brûlé, ils ont posé les restes sur le sol, directement sur le sol. Et ensuite, ils ont déposé sur la mare osseuse les résidus de crémation. Ils sont allés curer le bûcher. Ils installent le mort hors sol, comme ça, sur un niveau d'abandon. Donc c'est une sépulture opportuniste et ils s'installent chez quelqu'un d'autre, en fait, grosso modo. Et ça, ça témoigne quand même de quelque chose qui se dérègle, hein, je pense, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Hein. La chaîne opératoire est rompue, c'est-à-dire que le système d'organisation de la nécropole avec des gens qui conduisent les bûchers, qui sont peut-être des esclaves publics ou en tout cas des spécialistes, est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce que les gens qui s'occupent de la récupération des stèles ou de la confection des marquages de sépulture sont toujours là? Là, on peut en douter. En fait, la grande difficulté de cette situation liée aux différents tremblements de terre avant l'éruption, c'est qu'il est extrêmement complexe de déterminer si les transformations qu'on observe, et même certaines réparations ou des changements de destination pour des ateliers, tout ça, sont liés à une crise, ou bien si c'était tout simplement le cours normal de la vie. Dans une des boulangeries qu'on a fouillées, la boulangerie s'étend, et quelque part, malheureusement pour nous, cette extension correspond chronologiquement au tremblement de terre de 62-63. Et donc, en l'état actuel, il est impossible de dire si ils ont d'abord subi les réparations et ensuite, voilà, en ont profité pour s'agrandir, s'ils étaient déjà en cours d'agrandissement et pendant cet agrandissement, le tremblement de terre, ben rien, ils continuent leur agrandissement, ou bien s'il y a eu justement une espèce de période de latence avec un arrêt de la production et ensuite on repart en s'étendant. Alors, c'est évident qu'après le premier et le principal tremblement de terre, il y a dû y avoir un arrêt momentané de la vie, et pendant un temps, la ville a dû se transformer en un énorme chantier. Mais de façon évidente, ce chantier n'aura pas duré 17 ans. Et donc, c'est très certainement la plus grande difficulté qu'il y a à Pompéi, c'est de comprendre justement ces dynamiques économiques autour de cette situation extrêmement perturbée après le cataclysme sismique. Pendant plusieurs jours, un tremblement de terre s'était fait sentir et nous avait d'autant moins étonnés que les bourgades et même les villes de la Campanie y sont fort sujettes. Il redoubla pendant cette nuit avec tant de violence qu'on eût dit que tout était non pas agité, mais renversé. Il était déjà 7 heures du matin et il ne paraissait encore qu'une lumière faible, comme une espèce de crépuscule. Alors les bâtiments furent ébranlés par de si fortes secousses qu'il n'eut plus de sûreté à demeurer dans un lieu à la vérité découvert. Nous prenons le parti de quitter la ville. Le peuple épouvanté nous suit en foule, nous presse, nous pousse. Après que nous fûmes sortis de la ville, nous nous arrêtâmes. Et là, nouveau prodige, nouvelle frayeur. Les voitures que nous avions emmenées avec nous étaient à tout moment si agités, quoique en pleine campagne, qu'on ne pouvait, même en les appuyant avec de grosses pierres, les arrêter en place. La mer semblait se renverser sur elle-même et être comme chassée du rivage par l'ébranlement de la terre. Je tourne la tête, il parut une lueur qui nous annonçait non le retour du jour, mais l'approche du feu qui nous menaçait. Il s'arrêta pourtant loin de nous. L'obscurité revient, et la pluie de cendres recommence, et plus forte, et plus épaisse. Nous étions réduits à nous lever de temps en temps pour secouer nos habits, et sans cela, elle nous eût accablés et engloutis. Enfin, cette épaisse et noire vapeur se dissipa peu à peu, et se perdit tout à fait comme une fumée, ou comme un nuage. Bientôt parut le jour, et le soleil même, jaunâtre pourtant, et tel qu'il a coutume de luire dans une éclipse. Tout se montrait changé à nos yeux encore troublés, et nous ne trouvions rien qui ne fût caché sous des monceaux de cendres, comme sous la neige. Donc vous ne parlez pas de façon affirmative d'une ville en crise au moment de l'éruption volcanique, mais c'est une possibilité en tout cas. Alors d'abord, la crise a été surjouée historiographiquement. Tout remonte notamment aux travaux d'Amedeo Maiuri, qui a été le principal fouilleur au XXe siècle de Pompéi, et qui, en 1942, a écrit un livre sur la dernière phase de construction de Pompéi, dans laquelle justement il dresse une espèce de bilan des réparations faites et à faire pour lui en réponse au tremblement de terre de 62-63. L'arrivée dans tout ceci d'autres tremblements de terre après, et à commencer par vraisemblablement un tremblement de terre très peu de temps avant l'éruption. L'idée générale, c'est que un an avant l'éruption, il aurait pu y avoir un autre tremblement de terre assez fort. Perturbe complètement, en fait, cette espèce de vision binaire. Voilà. Tremblement de terre de 62. Réparation ou non-réparation. Si absence de réparation, crise. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on découvrait quelque chose qui était encore en changement, on disait, ah ben voilà, pendant 17 ans, ils sont restés immobiles, ils n'ont pas pu refaire la ville parce qu'ils étaient en crise. Avec d'autres tremblements de terre, évidemment, ce schéma très simple ne tient plus, ne peut plus tenir. Maintenant, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. Et en fait, on s'aperçoit que, quand même, la plupart des monuments ont été reconstruits, les monuments publics. Des ateliers ou des maisons véritablement abandonnées, il y en a très très peu, il doit en avoir 5 ou 6 à l'échelle de toute la ville. Mais sinon, en fait, la vie continue. Alors, ça ne veut absolument pas dire que la vie a continué sans être perturbée. De manière évidente, au moment de l'éruption, le système d'adduction en eau ne fonctionnait plus. Ne serait-ce que parce que au moins une des canalisations principales a été retrouvée prête à être remise en place, quasiment au sortir du château d'eau principal dans lequel toute l'eau de la ville arrive. Est-ce que tout ceci amène à considérer que Pompéi était en crise en 79? À mon sens, non. Ça fait 250 ans, un peu plus maintenant, bientôt 280 ans qu'on fouille Pompéi, qu'on étudie Pompéi. À mon sens, nous n'avons pas encore les moyens, véritablement, de dire si Pompéi en 79 était une ville en crise ou était en phase de remise de cette crise, ou dans le fond, n'avait pas été tant affecté que ça. Les Pompéiens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Le tremblement de terre de 62, pour les vulcanologues aujourd'hui, est un événement qui est parfaitement compréhensible. C'est l'événement sismique annonciateur de la grande éruption. Sénèque parle de quelque chose qu'il a entendu parler, qui l'intrigue beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des moutons qui meurent, une centaine de moutons qui meurent sur les pentes du Vésuve. En fait, on sait très bien que c'était des premières émanations de gaz du volcan. Quelques années avant l'éruption, mais évidemment, ils sont inconscients de ça, surtout que le Vésuve ne ressemble pas vraiment à un volcan, par exemple, islandais. Ça ressemble à une montagne, puisqu'il n'y a pas eu d'éruption depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on sait également, d'après les travaux vulcanologiques, que plus le laps de temps entre deux éruptions est important, et plus l'éruption à suivre est d'une ampleur extraordinaire. Et l'éruption 79, justement, est d'une ampleur extraordinaire. Elle intervient presque 1000 ans après la dernière éruption, et donc ce qui explique d'une part l'oubli du volcan, de sa dangerosité, et puis d'autre part l'ampleur extraordinaire de l'éruption en question. Le schéma général, on le connaît, c'est-à-dire que l'éruption démarre à midi, le 24 août, mais aujourd'hui on pense que c'est plutôt le 24 octobre. L'éruption démarre à midi, là on a la description de Pline qui nous aide beaucoup. Pline est qui raconte les différents moments de l'éruption tels que son oncle lui a raconté. Et donc, première phase de l'éruption, c'est une pluie de pierres ponces qui s'abat sur la ville. Vous me demandez de vous raconter la fin de mon oncle pour pouvoir la transmettre plus exactement à la postérité. Je vous en remercie, car je prévois que cette mort, quand vos œuvres l'auront partout répandue, bénéficiera d'une gloire éternelle. Il se trouvait à Misène, le 9, avant les calendes de septembre, aux environs de la 7e heure, ma mère lui apprend qu'on voit un nuage extraordinaire par sa grandeur et son aspect. Il demande ses chaussures, monte à l'endroit dont on pouvait le mieux contempler le phénomène en question, une nuée se formait. On ne pouvait bien voir de loin de quelle montagne elle sortait, on sut ensuite que c'était du Vésuve. Ayant l'aspect et la forme d'un arbre, et faisant penser surtout à un pin. Puis cette colonne étant retombée, abandonnée à elle-même ou cédant à son propre poids, elle s'évanouissait en s'élargissant. Par endroits, elle était d'un blanc brillant, ailleurs, poussiéreuse et tachetée par l'effet de la terre et de la cendre qu'elle avait emportée. Bene, allora qui ci fermiamo a questa altezza dove si vede che a partire dal pavimento romano. Donc on s'arrête ici et on peut bien voir que à partir du niveau de sol antique jusqu'au niveau où nous nous trouvons actuellement, il y a exclusivement de la pierre ponce. L'éruzione inizia con una piccola fase in cui vengono emesse delle ceneri. Queste ceneri poi non arrivano a Pompei. Alors, poi, durant l'éruption du volcan du Vésuve, il y a une première phase où le volcan a relâché des cendres. Mais ces cendres ne sont pas arrivées à Pompei. Le dépôt que nous observons appartient à la phase de la colonne éruptive. On sait que cette colonne éruptive a atteint 32 km. C'est un chiffre assez impressionnant, puisque quand on sait que le volcan mesure 1 km de haut, on a une idée de la taille de la colonne éruptive. Et 32 km, c'est vraiment très impressionnant. Durante lo sviluppo di questa colonna eruttiva, quando arriva. Donc, que s'est-il passé ensuite? La colonne éruptive, arrivée au niveau de la stratosphère, s'est donc dispersée, elle ne pouvait plus grandir en taille, elle s'est dispersée, et durant l'éruption de 79 après Jésus-Christ, le vent l'a portée dans le sud, donc au-dessus des villes vésuviennes comme Pompéi, là où elle a commencé à relâcher son matériel sur les villes antiques. Et quindi su Pompei, proprio perché si trovava lungo l'asse. Pompei se trouvant sur l'axe de dispersion de ce nuage éruptif, c'est la ville qui a reçu le plus de matériel de pierre ponce de toutes les autres villes vésuviennes. In media, en moyenne, à Pompei, on a une hauteur de 3 mètres de pierre ponce qui a été accumulée. Mon oncle trouva tout cela curieux et bon à connaître de plus près, en savant qu'il était. Il fait mettre en état un bateau liburnien. On lui remet un billet de Rectina, femme de Cascus, effrayée du danger qui la menaçait. Sa villa était en bas et elle ne pouvait plus fuir qu'en bateau. Elle suppliait qu'on l'arrachât à une situation si terrible. Mon oncle change son plan et ce qu'il avait entrepris par amour de la science, il l'achève par héroïsme. Il s'embarque lui-même avec l'intention de secourir, outre Rectina, beaucoup d'autres personnes. Il gagne en toute hâte la région que d'autres fuient et vogue en droite ligne, le cap droit sur le point périlleux, si libre de crainte que toutes les phases du terrible fléau, tous ses aspects, à mesure qu'il les percevait du regard, étaient notées sous sa dictée ou par lui-même. Déjà, les bateaux recevaient de la cendre, à mesure qu'ils approchaient plus chaude et plus épaisse. Déjà aussi de la pierre ponce et des cailloux noircis, brûlés, effrités par le feu. Déjà, il y avait un bas-fond et des rochers écroulés interdisaient le rivage. Grâce aux écrits de Pline le Jeune, on sait que la phase de dépôt de pierre ponce a duré 19 heures. Conoscere il tasso di accumulo, cioè 19 heures, en connaissant la hauteur de ce dépôt, on peut calculer qu'il y a eu environ 15 cm de dépôt de pierre ponce par heure. Cosa significa questo per Alors, par rapport aux habitants de l'époque, on sait que durant cette première phase d'éruption, ils n'ont pas été blessés par la tombée de ces pierres ponces, étant donné qu'elles sont très légères. Et Pline le Jeune lui-même nous dit qu'il s'est simplement protégé de cette pluie de pierres ponces avec un coussin qu'il avait fixé sur la tête. La première phase de l'éruption, c'est une pluie de pierres ponces ininterrompue qui démarre à midi, qui se finit autour de minuit. Donc les habitants cherchent à s'abriter dans un premier temps, en se calfeutrant dans des pièces fermées, en s'abritant dans des endroits sûrs. Et on a même retrouvé un de ces squelettes dans un tombeau, donc on voit qu'ils cherchent à se protéger. Tout ce que l'on sait sur le déroulement de cette éruption qui a dû être d'une violence particulièrement redoutable, on le sait en regardant et en fouillant l'étendue des villes recouvertes par 10 mètres de pierres ponces, de cendres ou de lave. Mais aussi en lisant la lettre que Pline le Jeune a écrite à Tacite pour raconter les derniers instants de son oncle qui est mort asphyxié et dans laquelle il décrit l'éruption qu'il a vécue lui aussi. Et c'est le seul témoignage écrit à ce sujet. Pendant ce temps, le sommet du mont Vésuve brillait sur plusieurs points de larges flammes et de grandes colonnes de feu dont la rougeur et l'éclat étaient avivés par l'obscurité de la nuit. Les tremblements de terre fréquents et amples agitaient les maisons qui semblaient arrachées à leurs fondements et oscillaient dans un sens puis dans l'autre. À l'air libre en retour tombaient des fragments de pierres ponces, légers et poreux, il est vrai, mais qu'on redoutait. On tient conseil. Restera-t-on dans un lieu couvert ou s'en ira-t-on dehors ? Chez mon oncle triompha le meilleur des deux points de vue. Chez les autres, la plus grande des deux peurs. Ils mettent des oreillers sur leur tête et les attachent avec des linges. Ce fut leur protection contre ce qui tombait du ciel. Les habitants ne sont pas morts durant la première phase. Ils meurent dans la seconde phase de l'éruption, c'est-à-dire lors des nuits ardentes. Et là, ce sont des morts instantanées, puisque les gens meurent la trachée obturée par les poussières volcaniques. Lors de la première nuit ardente qui touche Pompéi, mais c'est la quatrième et la cinquième qui déferlent et qui anéantissent toute vie humaine à Pompéi et qui occasionne la ruine de la ville, des parties hautes des bâtiments. C'est un nuage gazeux extrêmement fort, très violent. On voit que des gens cherchent, alors ils circulent sur le manteau de Pierre Ponce. Ils ne sont pas sur le sol de la ville, ils se promènent à 3 mètres du sol, 3-4 mètres du sol. Et il y a des traces de charrues qui montrent qu'il y a des gens qui s'enfuient avec des charrues, non pas seulement à pied, dans les Pierre Ponce qui sont un terrain extrêmement meuble. On imagine des gens en train de patauger dans les Pierre Ponce, mais les gens cherchent à s'enfuir et sont fauchés par les nuées ardentes. Déjà le jour était levé partout, mais autour d'eux, une nuit plus épaisse que toute autre nuit et qu'atténuait pourtant une foule de feux et des lumières de toutes sortes. On résolut d'aller sur le rivage et de voir de près s'il était maintenant possible de prendre la mer. Mais elle était encore grosse et redoutable. Là, on étendit un linge sur lequel mon oncle se coucha. Il demanda à plusieurs reprises de l'eau fraîche. Il s'appuie sur deux esclaves pour se lever et retombe immédiatement. Je suppose que l'air épaissi par la cendre avait obstrué sa respiration et fermé son larynx qu'il avait naturellement délicat, étroit et souvent oppressé. Quand le jour revint, c'était le troisième depuis celui qu'il avait vu pour la dernière fois, son corps fut trouvé intact, en parfait état et couvert des vêtements qu'il avait mis à son départ. Son aspect était celui d'un homme endormi plutôt que d'un mort. Je vous ai donné la suite complète des événements auxquels j'ai assisté et de ce qui m'a été raconté immédiatement, au moment où les récits sont le plus exacts. À vous de faire des extraits de votre choix. Alors, a commencé cette pluie de la Pili que pendant 18 heures. Massimo Osana, surintendant de Pompéi. Mais je pense déjà après 4-5 heures, la situation était critique parce que la pierre ponce est très légère, mais sur les couvertures des maisons, surtout sur les couvertures plates, commencent à être provoquées des effondrements. Alors, tous les gens qui sont partis dans ce moment avaient la chance de survivre. Tous les autres qui sont restés dans les maisons, ils sont morts ici. Ils sont morts pour les effondrements de la première phase de l'éruption ou plutôt dans la seconde phase quand cette colonne dans cette colonne est effondrée et sont commencés à arriver cette nuage de cendres avec une chaleur incroyable qui a détruit tous les bâtiments qui n'étaient pas couverts de la pili et a aussi tué tous les gens qui étaient dans les maisons ou sur les rues, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont parties entre les deux phases de l'éruption. Quand est terminée la pluie de la Pili, il y avait beaucoup de qui sont sortis des maisons par le second étage, parce que les rues étaient remplies de la pierre ponce. Alors on a trouvé beaucoup de victimes aussi dans les fouilles de la Reggio 5, des victimes sur la rue, sur 4 mètres de la Pili. Ils sont morts pour choc thermique ou pour la cendre, avec la impossibilité de respirer. L'asphyxie. Et l'altra concreta possibilità è che durante questa fase dell'eruzione, mentre la maggior parte del materiale saliva nella colonna eruttiva e veniva rilasciato, la deuxième cause donc de ces morts qu'on a retrouvé dans la rue est sans doute due à des gros morceaux de lave qui étaient éjectés du volcan lors d'éruptions pliniennes. En fait, c'est assez fréquent que l'on appelle ces gros morceaux de lave de plusieurs dizaines de centimètres, qu'on appelle des bombes volcaniques, arrivaient à des vitesses très élevées sur la ville, et donc il y avait quelques malheureux qui ont dû la prendre sur la tête, créant une mort soudaine. Accompagna lo sviluppo della colonna eruttiva. Alors on vous suit vers la villa du jardin. Cette maison donc, du jardin où beaucoup de découvertes ont été faites. C'est là qu'on a trouvé les 6 corps réunis dans une pièce. C'est là qu'on a trouvé le trésor des amulettes. Et c'est aussi ici qu'il y a le fameux graffiti qui confirme ce qu'on savait déjà, que l'éruption a eu lieu en octobre. Francesco Muscolini. Ecco, in una delle stanze sono stati trovati. Dans une des salles, c'est ici que nous avons trouvé des restes osseux qui correspondent à au moins 6 ou 7 personnes. Almeno 6-7 individui. Probabilmente alla ricerca dei gioielli che le vittime portavano addosso. On sait que, d'après les études anthropologiques qui ont été faites, que les restes osseux que nous avons retrouvés dans cette pièce appartiennent à des femmes et des enfants. Dans cet endroit, nous avons trouvé une main qui portait encore une bague à un des doigts. Valeria Amoretti, on est là donc dans un laboratoire d'anthropologie à Pompéi. On est dans une petite pièce, un petit laboratoire où il y a des paillasses carrelées, une grande table aussi au centre. Et sur cette paillasse et sur cette table sont posés sur des petits morceaux de plastique des ossements qui sont regroupés. Alors on voit des côtes, on voit des doigts de main, d'orteils, des vertèbres, parfois des plus gros os, on peut imaginer des tibias ou des fémurs. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? On appelle ce labo les premiers secours, car tous les objets trouvés dans les fouilles arrivent ici en prévention. En ce moment, sur la table centrale, on voit ce que l'on a trouvé dans la chambre des squelettes. Il s'agit d'une pièce de la maison du jardin de la région 5 fouillée récemment. Les regroupements d'os que vous voyez sur la table ont été faits parce qu'en fait, on a utilisé la méthode forensique et pas archéologique. C'est une méthode médico-légale utilisée sur les scènes de crime ou de mort de masse, où chaque os est localisé exactement. En ce moment, je cherche à isoler les individus et je classe les os, c'est-à-dire que je mets les vertèbres ensemble, les os des bras ensemble. Et à ce stade, je comptabilise 4 ou 5 adultes, toutes des femmes. Et aussi les os de 4 ou 5 enfants qui étaient probablement dans cette même pièce avec les femmes. Abbiamo ricostruito come queste persone si siano rifugiate all'interno di una piccola stanza senza quasi aperture. On a reconstitué comment ces individus se sont réfugiés dans cette petite pièce quasiment sans aucune ouverture pour tenter de se protéger de cette pluie de pierres ponces qui s'était abattue. On pense qu'ils ont dû rester 18 heures dans cette petite pièce avant que le poids des pierres ne fasse s'écrouler les murs et tomber le plafond sur eux. Alors certains d'entre eux sont morts d'un traumatisme crânien et d'autres sont morts des suites de l'éruption volcanique, c'est-à-dire d'un mélange entre le choc thermique et l'asphyxie. Alors vous nous ramenez un crâne que vous tenez dans la main. Perché vedete il crâne è stato sottoposto a una pressione in questa direzione. La preuve qu'il s'agit de traumatismes crâniens causés par la chute du plafond ou du toit est donnée pour une série de fractures typiques du crâne. Des fractures très reconnaissables, car elles sont récentes et caractérisées par une certaine forme de résistance du crâne qui n'atteint pas totalement son point de rupture. Voilà, ça, c'est une fracture typique d'un traumatisme crânien. Et quindi la colonne éruptive est collassata totalmente et a cominciato a distribuire. Puis la colonne éruptive s'est complètement effondrée, laissant un dépôt de matériel pyroclastique sur toute la surface de la ville et bien au-delà. Nel secondo caso ha una capacità distruttiva estremamente. Cette deuxième phase est complètement différente de la première. Elle a un pouvoir destructeur beaucoup plus fort que la première phase. À Pompéi, abbiamo dei reperti unici. À Pompéi, nous avons des vestiges vraiment exceptionnels, ce qui est dû à une particularité de la ville. Sepolte dalla cenere. La cendre qui a enseveli les corps en se refroidissant a créé une sorte de gaine autour de ces corps qui, après décomposition, ont laissé un vide à l'intérieur de cette gaine. Conserva la forma dei corpi. Una volta che si è capito questo, au XIXe siècle, un surintendant, Giuseppe Fiorelli, a eu l'idée excellente de remplir ces vides avec du plâtre, de manière à avoir la forme exacte des corps qui étaient restés donc emprisonnés dans les cendres. Abbiamo il calco della vittima. E quindi è un caso unico al mondo in cui noi possiamo studiare. Grâce à ces plâtres, maintenant, nous disposons à Pompéi non seulement de données stratigraphiques, mais également de données extraordinaires qui sont celles des corps, dans quelle position, par exemple, ont été trouvés les corps, ce qui est unique au monde. L'impatto cinetico che pure in città ha avuto grande. Malgré l'impact che nous pouvons imaginer de la dernière phase de l'éruption du Vésuve sur la ville qui a détruit la plupart des bâtiments, nous nous sommes demandé bien sûr pourquoi nous trouvions des murs parfois hauts de plusieurs mètres complètement abattus alors que les corps des victimes étaient intacts. Perché ad esempio a Pompei abbiamo trovato all'interno dello stesso edificio. Par exemple, à quelques mètres de distance, on a retrouvé un mur, un gros mur complètement abattu par cette coulée pyroclastique, alors qu'un peu plus loin, il y avait de la vaisselle dans un placard qui a été simplement recouvert par la cendre et qui n'a pas été cassé. Aucun verre n'a été cassé. Et justement, nos recherches portent là-dessus. Les recherches de ces dernières années ont mis en évidence que probablement cette coulée pyroclastique, cette dernière coulée pyroclastique, n'était pas homogène et que parfois elle pouvait être très violente, très rapide et très forte. Et à quelques mètres de là, elle pouvait être beaucoup plus lente, ce qui expliquerait que les corps ont été retrouvés intacts. Claudio Scarpati, de quoi sont morts les Pompéiens lors de cette dernière coulée volcanique? Une autre cause possible de mort est la température très élevée. Les études qui ont été faites ces dernières années suggèrent que la cendre qui est arrivée ici durant la dernière phase avait une température qui variait de 100 à 300 degrés. Quindi sono temperature che ovviamente. Donc, évidemment, ce sont des températures qui déterminent la mort des individus. L'aspetto fisico di queste correnti, quindi non solo termico, la concentrazione di cenere nell'atmosfera. Obviamente può determinare il soffocamento delle persone perché veramente si tenta di respirare. Si on prend en compte maintenant l'aspect physique de ces cendres, il faut bien avoir à l'esprit que durant cette coulée pyroclastique, la cendre arrive sur la ville de Pompéi, remplace l'oxygène et donc une partie des victimes est morte d'asphyxie puisque elle n'a plus respiré l'oxygène mais elle a respiré la cendre. In questo caso, se noi di nuovo osserviamo l'aspetto delle vittime, Vediamo che molte vittime hanno un atteggiamento. Et effectivement, comune, quand on observe ces calques qui montrent tous les détails des corps mais aussi des vêtements, on se rend compte que beaucoup de victimes sont mortes en train de se protéger le nez et la bouche, donc les voies respiratoires. On se rend compte qu'elles se protègent avec les mains ou même avec des morceaux de leur manteau. Donc on a ici la preuve qu'elles sont mortes par asphyxie. Saranno tutti uccisi da questa corrente piroclastica. William Van Andringa, on est là sur le forum de Pompéi. Devant nous s'élèvent toutes les colonnes qui demeurent de ce qui était donc ce grand forum romain. Et puis au loin, on a le Vésuve. Une vision à la fois paisible, calme, avec ces petits nuages qui s'accrochent à la cime, et puis très menaçante aussi, puisqu'on connaît la fin de l'histoire. Oui, alors on comptabilise à peu près entre 1500 et 2000 restes osseux, en fait. Donc on a retrouvé les restes de 2500-2000 fugitifs dans les fouilles qui n'ont concerné que les 3/4/5 de la ville, ce qui veut dire que la fouille du reste de la ville sans doute occasionnera d'autres découvertes. Mais je pense que la plupart des habitants sont morts à l'extérieur de la ville en s'enfuyant, tout simplement. Des fugitifs sont morts en rase campagne, grosso modo. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. On a fui par le sud. Nous étions un groupe de 20. Je n'ai pris avec moi qu'une petite clé. À un moment, ça a cessé. Je suis partie. Moi et quelques autres, on a décidé de fuir par l'est. Je suis partie. Juste une petite clé. Juste une petite clé. Une lampe en bronze. Une lampe en bronze. La clé de mon coffre. La clé de mon coffre. À un moment, ça a cessé. Ma dague contenue dans un fourreau. Une lampe en bronze. La clé de mon coffre. Une petite statuette. Une petite statuette de la déesse Fortuna. Une poignée de bagues d'or et d'argent. Une boîte à médicaments, le petit socle d'une statuette et deux clés dans un grand sac de toile. Un coffret à bijoux en bois, avec un collier, des boucles d'oreilles. Une cuillère en argent. De la menue monnaie. 500 sesterces. Deux gobelets. Un médaillon à l'effigie de Fortuna. Un miroir. À un moment, ça a cessé. On a fui. Valeria Amoretti, est-ce que vous travaillez sur les calques? Est-ce que c'est aussi pour vous un instrument de travail, puisque c'est l'empreinte des corps? En ce moment, nous sommes en train de réaliser une série d'analyses sur le contenu de ces calques, pour voir comment ils sont constitués et ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une équipe australienne qui s'en occupe. À l'aide de rayons X, on a pu commencer à voir le contenu de la plupart des calques, parce qu'en effet, ils sont composés de différents matériaux. Et il y a des calques dans lesquels on voit mieux que dans d'autres. Et ce qu'on trouve à l'intérieur, ce ne sont pas seulement des os, mais il y a aussi des objets. On retrouve par exemple les clous des sandales que portaient les habitants de l'époque. Mais on retrouve aussi parmi les os des matériaux de construction ou des morceaux de métal qu'utilisaient les ouvriers et les restaurateurs qui ont moulé ces calques. Les touristes du monde entier viennent surtout chercher la ville engloutie, hein, ici, avec des fugitifs qui ont été donc justement frappés dans la mort de manière instantanée. C'est une archéologie de la catastrophe qui recherche. C'est une archéologie de la catastrophe, donc c'est ça, une espèce de drame, hein, ouais, qui a été un peu mise en scène au XXe siècle aussi, ce qui attire aussi beaucoup, ce qui intéresse beaucoup les touristes qui passent à Pompéi. C'est vrai qu'il y a ce contraste qui est étrange entre cet endroit où on sent une douceur qui est celle du climat de la Méditerranée, mais de ces ruelles, du soleil dans ces ruelles, de cet art de vivre, de ces fresques délicates et de la violence et de presque l'impossibilité de se représenter cette catastrophe qui a figé les gens. Et lorsqu'on travaille sur le site, on est apostrophé une dizaine de fois par jour par des touristes qui sont accablés par la chaleur et qui demande où se trouvent les corps. On parle des bodies, des mummies, enfin, c'est vraiment, ça dénote bien. On vient chercher finalement l'instantané du drame de l'éruption, qui est une éruption d'une ampleur extraordinaire. Donc C'est un événement quand même naturel extrêmement, extrêmement fort. Quand vous travaillez, Valeria Moretti, sur ces ossements ou sur ces calques, est-ce que vous arrivez à mettre à distance la violence, le moment terrible qu'a vécu la population de Pompéi ? En effet, nous suivons un entraînement dans le cadre de notre formation à la recherche en anthropologie qui nous aide à garder une approche scientifique du matériel étudié pour ne pas être trop touché par ce genre de cas d'études. Pompéi est diverse. Pompéi est diversa perché ci si trova davanti comunque al momento della morte, della tragedia umana, della sofferenza. Mais Pompéi est différente. Ici, tout est frais, car on se trouve face à la mort, à la souffrance et à la tragédie humaine. Et moi-même, étant une personne très émotive, j'ai dû faire des efforts pour ne pas être submergée. La mia sensibilità umana e dall'altra c'è comunque. Mais maintenant, j'arrive à faire la part des choses, à trouver une distance entre ma sensibilité personnelle et la méthodologie que je dois suivre, mais sans pour autant perdre mon humanité. Vous, justement, qui travaillez sur les corps, sur la décomposition, la mort, quel rapport vous avez avec ces calques ? Le même rapport que la plupart des touristes, je pense. Henri Dudet. Après, en tant qu'anthropologue, évidemment, je suis conscient de l'intérêt de l'étude des eaux, du point de vue démographique, la similitude entre la courbe de mortalité, la pyramide des âges, des choses comme ça. Mais après, le côté émouvant, il est le même. Ces gens qui se blottissent, qui s'étreignent. Tout le monde est ému par ça, et moi comme les autres, c'est pas différent. Et comme ils ne sont pas objets de mon étude, finalement, je suis incapable d'aller au-delà de cette émotion que tout le monde a à voir le spectacle de gens qui sont figés dans la mort et d'enfants. Voilà. À un moment, ça a cessé. Moi et quelques autres, on a décidé de fuir par l'Est. À un moment, ça a cessé. Nous étions un groupe de 20. Moi et quelques autres, on a décidé de fuir par l'Est. On a fui par le Sud. Nous étions un groupe de 20. Je n'ai pris avec moi qu'une petite clé. Sud. Ça a cessé. Je suis parti. Je n'ai pris avec moi qu'une petite autres, clé. On a décidé j'ai de emporté. Fuir par l'Est. Je suis parti. Juste. J'ai une emporté. Petite clé. Quel effet ça fait quand on fouille justement d'arriver sur ces niveaux où on atteint la pierre ponce ? Où là tout d'un coup on est. Quand on enlève la pierre ponce sur un sol, c'est parce que l'archéologie nous permet de. On travaille sur des échelles de temps qui sont vraiment gigantesques. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut travailler sur du temps très court. Et lorsque vous travaillez justement sur un niveau de sol qui était recouvert par les pierres ponces, eh bien vous êtes le 24 octobre 79. Merci à Valeria Amoretti, Alix Barbet, Hélène De Salle, Henri Dudet, Nicolas Montex, Francesco Muscolino, Elisa Pucci, Massimo Ossana, Claudio Scarpati et William Van Andringa. Merci aussi à Marella Brunetto et Vincent Charpentier et à Dorothée Nem du Centre Jean Bérard de Naples pour la traduction. Texte lu par Peggy Martineau, Daniel Königsberg, Sarah Chaumette et Thierry Beauchamp. Archivina Véronique de Saint-Pastou, prise de son Laurent Macchetti, mixage Claude Niort. Pompéi, des vies sous la cendre, l'éruption meurtrière du Vésuve. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Diffy Mariani. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à l'ombre du Vésuve, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, l'invention de l'archéologie et d'un tourisme romantique. Mais pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.